Le collège a été fondé sous François Ier. Le collège est absolument lié à la Renaissance. Il me semblait que une chaire au Collège de France avait pour vocation naturelle non seulement d'expérimenter, mais aussi d'écouter la façon d'expérimenter des autres. On faisait la queue pour entrer dans la petite salle numéro 8 du Collège de France, comme aujourd'hui on fait la queue pour aller au cinéma. Les cours du Collège de France par Meryl Moneghetti. Alors là, tout le monde est là, mélangé, scientifique, littéraire, philosophe, gens de toutes les langues. Enfin, et vous voyez, cette salle est remplie de souvenirs sur l'histoire du Collège de France. Voici, comme chaque jour de cette semaine, conviés au cours du Collège de France auquel s'associe France Culture pour partager une recherche en marche, appréhender les mutations et les enjeux de notre monde dans un esprit interdisciplinaire. Quelle est la nature des premiers contacts entre les Ottomans et l'Europe, s'interroge l'historien Edem Eldem. Quel est le symbolisme de l'étiquette et qu'est-ce que l'hospitalité empoisonnée et l'attitude hautaine de la diplomatie ottomane ? Comment apparaît l'obligation et un désir de s'ouvrir à l'Occident ? Quels sont les phénomènes et les événements qui permettent de déceler, dès les années 1720, une curiosité croissante pour l'Europe ? Et que peuvent nous apprendre les épitaphes funéraires ? Titulaire de la chaire internationale d'histoire turque et ottomane au Collège de France, professeur à l'Université du Bosphore, Edem Eldem s'attache aujourd'hui, dans le cadre de sa série consacrée à l'Empire ottoman et la Turquie face à l'Occident, au changement sensible du rapport de force au XVIIIe siècle. Tandis que les Ottomans, depuis la fin du XVIIe, note-t-il, commencent à perdre prise, leurs interlocuteurs occidentaux, eux, se font de plus en plus puissants et souvent arrogants. Il s'agit donc d'une situation nouvelle qui force les Ottomans à revoir leur politique envers un Occident de plus en plus envahissant et menaçant, mais aussi de plus en plus attrayant et tentant par ses succès. Edem Eldem a notamment travaillé sur le commerce du Levant, la banque ottomane, les dynamiques de l'occidentalisation, Istanbul au tournant du XXe siècle, l'orientalisme, la photographie, l'histoire de l'archéologie et des collections dans l'Empire ottoman et l'épigraphie funéraire. Dans le cours de ce matin, riche de cette expérience, il revient sur l'analyse d'images comme sources alternatives et sur l'évolution de l'épitaphe funéraire pour comprendre comment la société ottomane se transforme et se modernise sans pour autant avoir à s'inspirer d'un modèle occidental. Alors, quels sont les chemins de la modernité pour l'Empire ottoman ? Comment les nouveautés circulent-elles, sont-elles reçues ? Nous gagnons tout de suite l'amphithéâtre du Collège de France le 19 janvier 2018 pour le cours d'Edem Eldem, l'Empire ottoman et la Turquie face à l'Occident, aujourd'hui, curiosité et hésitation. Je vais commencer avec cette image, qui est une image bien connue. C'est un tableau qui se trouve dans un musée à Istanbul aujourd'hui, qui est attribué à Van Moor. Van Moor est un peintre qui, malgré les consonances un peu flamandes de son nom, est français, de Valenciennes, et qui a servi l'ambassadeur de France Ferriol, puis ses successeurs au début du XVIIIe siècle, comme peintre d'ambassade et comme peintre documentaliste, en quelque sorte, de la vie à Constantinople, à Istanbul, au début du XVIIIe siècle. Il y représente ici la réception à ce qu'on appelle en turc « kubbe altı », littéralement « sous la coupole ». C'est une des deux salles du divan. Pour ceux d'entre vous qui ont déjà visité le palais de Topkapı, ce sont deux salles pratiquement identiques qui ont chacune leur coupole, et où se réunissait le divan, c'est-à-dire le conseil des ministres, le conseil des vizirs. Et c'est là que, avant l'audience auprès du grand seigneur, auprès du sultan, les ambassadeurs étrangers, les ambassadeurs occidentaux et leur suite étaient reçus et on les y dînait, comme on disait. C'est donc une représentation de cette scène. C'est un tableau qui est intéressant parce qu'il est très parlant. Et vous savez maintenant que depuis quelque temps, nous attachons de plus en plus d'importance à l'iconographie comme source alternative d'information, quelque chose qui nous change un peu des textes qui sont parfois galvaudés et qui nous permet de lire dans une représentation iconographique bien des symboles, bien des contextes qui sont extrêmement intéressants, extrêmement significatifs du point de vue d'une meilleure compréhension de l'histoire ottomane. Je vais donc commencer par vous lire ce tableau, vous l'interpréter, souligner certains de ces aspects que je considère être importants. Alors, ce qu'il a d'intéressant, c'est bien sûr le symbolisme. Et le symbolisme, ce n'est pas vraiment un symbolisme abstrait, c'est le symbolisme de l'étiquette, du protocole. L'étiquette, le protocole, c'est un peu la grammaire de l'État, c'est la mémoire de l'État, quand il s'agit de s'exécuter sur une scène publique. Or, la diplomatie, c'est une scène. Et par conséquent, les Ottomans ont toujours été, du moins depuis le XVIe siècle, ils ont été très friands d'un protocole extrêmement élaboré, d'une étiquette extrêmement compliquée, surtout à l'égard des étrangers. Parce que il s'agissait de donner une image de l'Empire qui satisfasse les besoins politiques de la période. Et ces besoins politiques, en général, ils gravitent autour de l'idée d'une forme de nombrilisme. C'est un peu l'empire du milieu, si vous voulez. On se considère être au milieu du monde, et par conséquent, tout ce qui est autour doit dépendre de votre destinée. Et le protocole ottoman, l'étiquette ottomane est une réflexion, est une image, si vous voulez, de cette vision politique. Alors là, vous en voyez quelques éléments. Alors déjà, vous voyez qu'il y a un cercle, ou plutôt une table en U, en fer à cheval, avec les gens qui comptent, et toute les gens autour qui sont des serviteurs. Bon, ça n'a rien d'extraordinaire. Mais c'est lorsque vous vous penchez, alors déjà, ce qui est important, bien sûr, pour l'étiquette, c'est la pérennité. Voici la même scène représentée 60 ans plus tard, dans le tableau général de Muradja Dosson, ce fameux drogman arménien qui finit par être ministre de Suède à Constantinople et qui a extrêmement bien documenté l'état présent de l'Empire ottoman. Son tableau général, donc, était... Et voici une des gravures de cet ouvrage qui a été documenté dans les années 1790. Et vous voyez que c'est pratiquement une copie conforme de la scène de 1720. Alors ça, bien sûr, c'est un des éléments de base du protocole. Le fait que c'est minuté, c'est extrêmement précis et on le maintient autant que possible parce que, justement, l'image de l'État en dépend. Mais ce qui est intéressant, c'est certains points de détail. Vous les aurez peut-être déjà remarqués. Vous avez vu que tous les Ottomans, les musulmans, les Turcs, si vous voulez, pour prendre un raccourci un peu problématique, sont assis sur un sofa, une sorte de banquette qui fait le tour de la pièce, alors que les Occidentaux, qu'on reconnaît facilement à leur chapeau et à leur tenue, sont assis sur des escabeaux. Et ça, c'est classique. C'est-à-dire que vous utilisez une forme d'insulte physique, une sorte de dégradation du statut de votre interlocuteur en ne lui donnant pas le confort que vous accordez à vos propres représentants. C'est un peu, dans un restaurant parisien, la banquette et les chaises, si vous voulez. Et vous mettez les gens de statut supérieur... ou si vous êtes sexiste, les femmes, sur la banquette, et les autres, c'est un peu le même principe. Sauf que l'escabeau, c'est pire qu'une chaise, c'est vraiment quelque chose qui dit à quel point on méprise l'individu qui y est assis. Et c'est très intéressant, il y a de cela quelques années, lorsqu'il y a eu une crise diplomatique entre la Turquie et Israël, à la suite, je crois, de la sortie du Premier ministre à l'époque, Erdogan, à Davos, one minute, etc., le chargé d'affaires turc à Tel Aviv a été appelé au ministère des Affaires étrangères, et ça a été télévisé, et on voyait comment les Israéliens étaient assis dans des fauteuils extrêmement confortables, et lui, le chargé d'affaires, avait été forcé de se ratatiner sur un petit escabeau, une sorte de banquette extrêmement basse. Ce qui prouve que certains réflexes, disons, locaux, persistent jusqu'aujourd'hui. Donc les Ottomans pratiquent cela. Il y a plus. Vous aurez remarqué que les deux messieurs qui sont juste en face de vous, en turbané, n'ont pas de vis-à-vis. Ils n'ont personne en face d'eux. Pourquoi ? Parce que ce sont des juges de la loi, ce sont les kazasker, les juges de la loi, ce sont des gens de la loi, et la loi, c'est bien sûr la religion. Et que par conséquent, ils refusent d'être souillés par la vue d'un chrétien, d'un infidèle en face d'eux. Donc, deux petits détails de cette scène qui vous donnent une idée de la manière dont les Ottomans gèrent leur relation avec l'Europe, avec la chrétienté. L'Europe n'est pas encore à l'ordre du jour. On parle de chrétienté, on parle de Frangistan, le pays des Francs, pour décrire tout ce qui est au-delà des terres ottomanes. On les gère avec ce que j'appelle une hospitalité empoisonnée. C'est-à-dire qu'on combine un accueil favorable avec des insultes, parfois très subtiles et que par conséquent on ne comprend pas au premier abord. Ainsi, tous les ambassadeurs ou toute personnalité chrétienne est toujours, dans la documentation ottomane, traité de excellent seigneur, etc., de la nation des chrétiens. Chose que l'on ne fait jamais pour les musulmans. Ils sont excellents tout court. Tandis que la relativisation, si vous voulez, des chrétiens comme étant excellents parce que la diplomatie nous oblige à avoir des contacts avec eux, mais en fait, on sait bien que ce sont des infidèles, donc on les appellera d'excellents seigneurs de la nation du Messie, de la nation des chrétiens. On n'ira pas jusqu'à les traiter d'infidèles. Mais vous voyez comment on essaye d'équilibrer en quelque sorte les besoins d'une diplomatie qui reconnaît le droit à l'hospitalité des autres, avec des clichés extrêmement agressifs qui essayent de rabaisser ses interlocuteurs à un statut inférieur. De même, on insistera toujours sur la magnanimité, la richesse du sultan. Et c'est pourquoi les ambassadeurs qui arrivent à Constantinople, les ambassadeurs étrangers, sont toujours payés un salaire. Ils sont payés, ce qui est une manière de dire « Vous m'appartenez ». Le sultan accorde une pension aux ambassadeurs des puissances étrangères. Encore une fois, une sorte de désir d'en imposer, d'écraser l'autre. D'ailleurs, les Ottomans sont passés maîtres en la pratique de l'unilatéralité. C'est-à-dire que toute leur diplomatie ne fonctionne que d'un côté. C'est-à-dire que on vient à eux, ils ne vont pas aux autres. Ils envoient de temps en temps un tchaouch, un émissaire, un envoyé extraordinaire. On se souvient de Suleyman qui passa à Paris en 1669, etc. Mais ce sont des ambassades ponctuelles, des envoyés qui, pour une certaine mission, sont envoyés, sont accrédités auprès d'une cour étrangère et puis ensuite qui reviennent. Alors que depuis le XVIe siècle, et bien avant quand on pense aux Vénitiens, les Européens, les Occidentaux ont des ambassades permanentes à Istanbul, à Constantinople, et c'est ainsi que la diplomatie fonctionne. Lorsqu'il s'agit de traités entre les puissances, les Ottomans ont tendance à pratiquer l'octroi de certains avantages, par exemple les capitulations, qui, même si elles sont négociées avant la signature, ne sont jamais vraiment signées par les deux parties, elles sont octroyées gracieusement par les Ottomans et par conséquent, elles sont publiées avec le chiffre impérial et aucune mention d'une sorte de réciprocité. Tout ça, bien sûr, encore une fois, c'est le symbolisme. Donc, les Ottomans pratiquent autant que possible ce genre d'étiquette, ce genre de protocole. Et, bien sûr, parfois, cela prend des dimensions physiques qui sont un peu dérangeantes. C'est le cas de ce qu'on appelle le bagalgij. Bagal, en persan, veut dire l'aisselle. Bagal, un bagal des bagots. Je rigole. Bagal, c'est l'aisselle, c'est le bras, c'est le coude, mais c'est surtout l'aisselle. Et gir, gereftan, en persan, c'est prendre. Quand on dit Jihangir, le titre, par exemple, de bien des empereurs en Orient, Jihangir, c'est celui qui prend. Jihan, le monde, c'est le conquérant du monde. Donc, bagalgir, c'est le fait de prendre quelqu'un par l'aisselle ou par le bras. Ce qui, souvent, en littérature persane, se passe dans un contexte des plus amicaux. Chez les Ottomans, c'est différent. Le bagalgir, notamment lors des audiences impériales, c'est quand deux tchaouches, deux gardes, empoignent l'ambassadeur, chacun d'un côté par l'aisselle, et le force à se prosterner devant le sultan. Vous voyez, ça n'est pas simplement qu'on veut qu'il se prosterne, on veut que ça lui soit physiquement imposé. Si l'ambassadeur dit bon, « je me prosternerai tout seul », ça ne va pas, ça ne suffit pas. Il faut pratiquer ce symbolisme de la violence sur le corps de cet ambassadeur et par conséquent l'entretien, si vous voulez, de ce mythe qu'on est en train de gagner une bataille, de forcer un ennemi à se prosterner devant le sultan. Donc les Ottomans pratiquent cela et ils le pratiquent aussi dans le verbe. Je vous disais que les seigneurs d'Occident sont toujours qualifiés de plein de titres ronflants, excellent seigneur, noble seigneur, etc., de la nation de l'Ottoman. Et en plus, car c'est dans la coutume ottomane, lorsqu'on s'adresse à quelqu'un, on rajoute à la fin de ses titres une prière. Pour les Francs, pour les Européens, pour les Occidentaux, pour les chrétiens, pour les infidèles, il y a aussi une prière. Et cette prière, elle a tout ce que l'on peut imaginer de plus charmant, en fait. « Routimet avakiberhu bilchayr » que sa fin soit heureuse, puisse sa fin être heureuse. Alors, ça a l'air d'un vœu assez sympathique, sauf quand on sait qu'une fin heureuse pour un infidèle, c'est la conversion. C'est-à-dire qu'on lui souhaite d'abandonner l'erreur, de rentrer dans la bonne voie et de se convertir à l'islam, comme tout le monde devrait le faire. Donc, encore un exemple typique de cette combinaison d'une forme de politesse extrêmement sophistiquée avec des insultes à peine cachées qui, en quelque sorte, rétablissent un équilibre entre une diplomatie que l'on ne voudrait pas trop pratiquer, un sens de l'égalité, d'un rang égal qu'on ne reconnaît pas vraiment, et le désir profond d'insulter, de souligner la différence, qui est une différence essentielle en matière religieuse. Au XVIIIe siècle, les choses vont légèrement changer. Même si, comme je vous l'ai montré avec ces deux images, le protocole reste en grande partie le même. Ce n'est qu'au XIXe siècle que les Ottomans vont s'inventer un protocole à la franca, à la franque, occidentale. Ils vont adopter et adapter à leurs besoins tout ce qui est représentation, cortège, protocole, étiquette occidentale. Mais ça, nous en parlerons plus tard. Pour le XVIIIe siècle, il n'y a pas vraiment de différence dans le protocole, mais ce qui change, c'est qu'on voit les premiers signes de cette obsession de l'unilatéralité commencer à disparaître. Et il y a un exemple qui est extrêmement connu, qui a été extrêmement souvent divulgué par des publications fort intéressantes, d'ailleurs, c'est l'ambassade de Yilmazekiz Mehmet Çelebi en 1720-1721 à Paris, sous la Régence. Louis XV, encore un bambin, et vous voyez ici une représentation contemporaine donc de la réception de cet ambassadeur ottoman par le jeune Louis. Mehmet Yilmazekiz, il s'appelle Yilmazekiz, ça veut dire 28. 28, c'est le nombre de son régiment. C'est un janissaire. C'est un janissaire du 28e régiment, qui est connu par conséquent par ce petit ce sobriquet, Yilmazekiz, Mehmet Çelebi. Il est envoyé en France avec une mission de s'instruire. Et ça, c'est nouveau, parce que la curiosité ne fait pas vraiment partie des missions diplomatiques ponctuelles que les Ottomans organisent dans les siècles précédents. Encore une fois, sachons que le gros de la technologie militaire ottomane est le fruit de curiosité et de rapports extrêmement assidu avec l'Occident. Après tout, si Mehmet II arrive à conquérir Constantinople et à battre les murs, ou du moins en partie, c'est grâce à une technologie hongroise et à l'utilisation d'armes à feu de dimensions époustouflantes. Donc, toujours, notamment en matière de technologie militaire, d'équipement, les Ottomans ont eu un œil sur ce qui se passait en Occident, pour la marine comme pour l'armée. Mais là, la mission de Mehmet Çelebi est tournée sur des choses qui ne faisaient vraiment pas partie de la mission typique des années précédentes. Il est allé voir le théâtre, les jardins de Versailles, les jardins de Marly. Il est allé voir les manufactures, les gobelins. Il est allé voir comment la France faisait pour produire des objets de qualité qui charmaient le goût ottoman à cette époque-là. Si vous visitez les collections impériales au palais de Topkapı au XVIIIe siècle, vous verrez qu'il y a beaucoup d'objets qui proviennent justement d'Occident. On voit bien qu'il y a une curiosité, notamment pour les textiles, mais aussi pour les faïences, pour toutes sortes de choses qui sont fabriquées en Europe, en même temps qu'une curiosité qui continue pour les objets fabriqués en Orient. Encore une fois, ne tombons pas dans le panneau de croire que les Ottomans, tout d'un coup, délaissent l'Orient et se tournent vers l'Occident. Ils ont, notamment au XVIIIe siècle, pratiqué les deux, avec beaucoup de discernement et beaucoup de goût dans bien des cas. Mais au XVIIIe siècle, donc la visite de Mehmet Çelebi est une visite presque culturelle. D'ailleurs, côté français aussi. C'est l'année de la publication des lettres persanes et c'est une curiosité. On le promène dans toute la ville de Paris, les femmes se pâment, tout le monde s'attroupe pour voir cet objet de l'exotisme, des turqueries qui vont commencer à prendre racine en Occident. Donc, des deux côtés, c'est une sorte de vis-à-vis extrêmement curieux, parce que pour les Occidentaux, s'il est vrai que depuis le XVIe siècle, il y a bien des voyageurs qui s'intéressent à l'Orient, voir l'Orient chez eux est une nouveauté. On l'avait déjà vu en 1669 avec Suleiman, mais en 1720-21, c'est vraiment, il devient la coqueluche de du tout Paris. Et il en a laissé un rapport d'ambassade. Sefaret Nameh en turc. Nameh, persan, encore une fois, est un terme qui veut dire tout ce qui est missive ou livre. Donc si vous mettez du Nameh à la fin de quelque chose, ce sera le livre de ceci ou cela. Sefaret, c'est l'ambassade. Donc c'est le livre d'ambassade, c'est le rapport d'ambassade. Et ce rapport d'ambassade, apparemment, a eu beaucoup de succès à Istanbul, où il semble avoir inspiré certaines nouveautés, notamment en matière de décoration et d'arrangement des jardins du palais impérial. Alors, bien sûr, ce livre a été traduit en français, il a eu beaucoup de succès dans les années 80, si je ne m'abuse. C'est mon prédécesseur, Gilles Van Steen, qui l'a traduit, annoté dans une très bonne édition. Et il l'a intitulé « Le paradis des infidèles ». Pourquoi ? Parce que un passage du rapport dit effectivement « En voyant cet incomparable jardin, il parle de Marly, nous sentîmes la force du sens de ce passage de notre loi qui dit que, il cite, « ce monde est la prison des fidèles et le paradis des infidèles ». C'est cette expression que Gilles avait choisie pour mettre en exergue, pour utiliser comme titre de l'ouvrage. Et c'est effectivement, non pas un précepte coranique, mais c'est ce qu'on appelle un hadith, c'est-à-dire une opinion, si vous voulez, qui est attribuée au prophète par le biais de ses successeurs. Ad-dunya sajn al-mu'min wa jannat al-kafir, ce qui traduit donne ce monde est la prison du croyant et le paradis de l'infidèle. Alors, il faut savoir que ce hadith a un sens qui n'est pas tout à fait le sens que l'on comprend tout de suite lorsqu'on lit le paradis des infidèles comme titre d'une relation d'ambassade à Paris. Puisque le problème, c'est justement que ce paradis des infidèles, quand on le lit en titre d'une relation d'ambassade, on se dit, ça y est, ils sont tentés par le diable. C'est-à-dire qu'on y lit un désir un peu dangereux de fricoter avec la nouveauté occidentale. Et par conséquent, d'admirer, de regretter en quelque sorte qu'on soit emprisonné en tant que musulman, en tant que fidèle, dans tant de pauvreté, à la vue de la richesse de ce qu'il découvre à Paris. Ça n'est pas tout à fait ça. Alors, bien sûr, il est vrai que lorsque le bon Mehmet Çelebi insère ce petit dicton dans son texte, il y a un aspect humoristique, disons, c'est-à-dire qu'il prend ce texte religieux avec un grain de sel qui est très particulier à la situation dans laquelle il se trouve. Mais quand même, le sens profond et premier de ce hadith, c'est de dire tout simplement que les musulmans ont la promesse du paradis et les infidèles ne l'ont pas. Et que par conséquent, avant, dans l'attente de l'enfer et la damnation qui les attend, ils profitent de manière abusive de ce bas monde, tandis que le musulman, beaucoup plus sage, sachant qu'il est promis au paradis, va au contraire se comporter de manière beaucoup plus frugale, disons, en ce monde. Donc ça n'est pas vraiment une formule d'admiration, mais plutôt une remarque sur la futilité de cet étalage de richesses que représente Paris sous la Régence, et notamment dans le cas des jardins. Toujours est-il que ces jardins lui ont tellement plu qu'il en a fait une description, il est d'ailleurs revenu avec des ouvrages d'architecture sous le bras, et par conséquent, cela a été repris dans un certain contexte, dans l'Empire ottoman, dans un contexte palatial. Le Collège de France et France Culture vous présentent Edem Eldem dans le cadre de sa série L'Empire ottoman et la Turquie face à l'Occident. Aujourd'hui, curiosité et hésitation. Nous avons des représentations. Alors malheureusement, les représentations, les miniatures, la peinture ottomane, surtout au XVIIIe siècle, commencent à s'appauvrir. Nous avons beaucoup de miniatures pour le XVIe siècle. Bon, mais les quelques miniatures que nous avons permettent de se faire une idée un peu de ce nouveau monde qui se crée sur les rives de la Corne d'Or, ici à Saadabad, c'est-à-dire au fin fond de la Corne d'Or, où le sultan Ahmed III s'est fait bâtir une série de pavillons autour d'un bassin d'eau. Et effectivement, il y a une inspiration un peu occidentale. On pourrait même faire une sorte de parallèle avec Watteau, n'est-ce pas, l'escarpolette, etc. Bon, il y a de cela. Mais est-ce qu'on peut vraiment généraliser au point de dire que c'est là une transformation de la société sous l'emprise de l'occidentalisation ? Pas vraiment. D'abord, Fazıl Endeluni, c'est un auteur qui est né au début du XVIIIe siècle, qui est mort dans les années 50. C'est un contexte qui n'est pas encore le contexte d'occidentalisation qu'on connaîtra à la fin du XVIIIe siècle, et encore. Et son traité des beaux jeunes hommes, Huban, et des belles femmes, Zenan, et vraiment tout ce qu'il y a de plus classique dans un certain genre qui est un peu coquin et qui relate les beautés de la ville d'Istanbul. Donc prendre ça déjà comme un signe d'occidentalisation, pas forcément, d'autant plus que l'on sait que bien des éléments du palais de Saadabad sont inspirés de l'Iran, notamment la division des jardins en quatre, Chahar Bagh, les quatre jardins, qui est quelque chose d'inspiration indienne, puis persane, et qui nous vient directement d'Isfahan. Donc, il ne faut pas exagérer. C'est vrai que Mehmed Efendi et sa relation d'ambassade a un certain effet, un certain impact sur les cercles privilégiés de la capitale, mais de là à en déduire une transformation de la société, non, on ne peut pas aller jusque-là. Et je vous avais dit que l'un de mes efforts était justement de faire la part des dynamiques internes et externes pour comprendre la modernisation d'une société. C'est-à-dire comprendre qu'au XVIIIe siècle, si la société ottomane se transforme, ça n'est pas forcément parce que cette société est exposée, d'ailleurs ce n'est qu'une infime portion de cette société qui l'est, parce qu'elle est exposée à l'Occident. Au contraire, elle a tous les moyens en elle-même de se moderniser sans avoir à s'occidentaliser. Et pour cela, j'utiliserai un cas particulier, un contexte très particulier qui m'est très cher parce que j'ai énormément travaillé là-dessus, souvent en collaboration avec des collègues français, notamment Nicolas Vatin, avec qui nous avons longuement produit sur l'épitaphe ottomane. C'est le problème de l'épitaphe funéraire. La mort est un contexte extrêmement intéressant dans l'Empire ottoman, où les langues se délient d'une manière qui n'est pas possible dans un contexte plus profane, disons. Le problème, si vous voulez, c'est que nous avons très peu de textes où l'on puisse entendre la voix de ces Ottomans du XVIIIe ou du XIXe siècle. Or, l'épitaphe funéraire s'avère être une voie d'accès à cette voix, une voie d'accès aux mentalités, parce que les épitaphes funéraires sont extrêmement parlantes, elles le deviennent de plus en plus. Donc, encore une fois, je fais une petite digression sur un sujet différent pour vous montrer comment, dans une société dite traditionnelle, on peut voir des signes de transformation qui sont une forme de modernité et qui n'est pas liée à la question de l'Occident. Voici un exemple typique des stèles funéraires ottomanes. Pour quiconque a visité Istanbul, j'imagine que vous avez déjà une vision, une idée de ce que la représente. C'est un art extrêmement sophistiqué. Elles sont très présentes, elles sont très visibles. C'est ça qui est intéressant. C'est-à-dire que l'obsession, c'est pourquoi les cimetières intramuros, les cimetières dans la ville, sont toujours entourés de murs avec des fenêtres. Un mur avec une fenêtre, c'est clair, c'est un mur à travers lequel on veut pouvoir voir. Pourquoi ? Parce que les stèles sont extrêmement imposantes et elles sont bien plus que des marqueurs religieux, des marqueurs sociaux. Vous les reconnaissez de loin à leur turban, à leur taille, elles parlent du statut, du contexte familial, de tout ce qui a été la personnalité et l'environnement social d'un individu. Et lorsque vous traitez un grand nombre de stèles, et avec Nicolas, nous avons travaillé sur 3 000-4 000 stèles pour essayer de nous faire une idée d'un changement dans le texte, vous réalisez qu'il y a des éléments extrêmement clairs qui indiquent extrêmement clairement que la stèle est en train de changer de forme et qu'elle change de forme pour une certaine raison. Et cette raison, elle n'est pas mystérieuse, c'est pour accueillir plus de textes. Regardez, sur 3 périodes, 15e à 17e, ensuite 18e, 19e, et puis la dernière période, le nombre de lignes sur une stèle s'accroît. Et le nombre de lignes est important, c'est-à-dire que quand vous savez que toute stèle ottomane commence par une ligne qui est une invocation du nom de Dieu et se termine par une ligne qui est une prière pour l'âme du défunt, vous comprenez que 5 lignes, c'est pas grand-chose. 3 lignes pour parler d'un individu, ça reste très succinct. Et par conséquent, lorsque vous voyez l'accroissement du format à 6 lignes, 7 lignes, 10 lignes, 15 lignes, vous comprenez que là, le besoin est de parler de cet individu. Or, souvenez-vous, pour l'islam, la mort est inéluctable. Et par conséquent, il n'est pas question de parler ou de se lamenter sur quelque chose qui est un ordre divin. Et par conséquent, si vous êtes un bon musulman, vraiment puriste, vous éviterez d'en faire tout un plat sur quelque chose qui est tout à fait normal et qui est en fait le début de votre vraie vie. Et par conséquent, le fait de parler plus d'un individu, de son passé, de sa mort, de sa famille, ce n'est pas du blasphème, mais c'est quelque chose qui va à l'encontre des principes de base de l'égalitarisme musulman devant la mort. Par conséquent, c'est un phénomène de laïcisation, de sécularisation. C'est un éloignement du dogme religieux. La mort devient l'occasion de placer son défunt dans un contexte social qui pourra profiter aux survivants. Et c'est intéressant de voir que même cette invocation qui paraît éternelle parce que c'est toujours le nom de Dieu, même cette invocation au XVIIIe siècle, elle change. Il y a une nouvelle invocation qui s'introduit, Ar min al-Mevd, qui traduit plus ou moins librement en français, donnerait « Hélas, la mort ». Ça n'est plus une invocation de Dieu, c'est une lamentation. Or, se lamenter, c'est déjà, en quelque sorte, s'insurger contre la mort, notamment dans le cas d'une perte d'un enfant, etc. Ça acquiert un contexte tout à fait différent où vous voyez que les langues se délient, les gens parlent de sentiments. Et par conséquent, vous avez un phénomène de modernité interne Il y a un historien allemand qui a prétendu que cette introduction de cette nouvelle invocation qui n'en est pas une est un phénomène d'occidentalisation. C'est impossible. Il n'y a pas moyen d'établir le moindre lien entre un phénomène occidental et l'apparition dans un domaine aussi local, aussi culturellement défini que l'épigraphie funéraire, voire l'apparition tout d'un coup d'un terme de lamentation. Donc, lorsque vous voyez aussi la manière dont les individus sont définis sur une stèle, là aussi, vous voyez que vous allez du plus simple, c'est-à-dire 60% de stèles qui sont individuelles, vous bougez, vous montez vers une situation où les gens sont de plus en plus décrits dans des situations de complexité familiale, de clientèle, etc. Donc, encore une fois, c'est la société qui, en devenant plus complexe, commence à définir ses propres morts, la mort elle-même, comme un contexte social de plus en plus complexe. Les lignes, le nombre de lignes s'accroît. Donc on passe d'une moyenne de 6 ou 7 lignes au début du siècle jusqu'à 9-10 lignes vers les années 1850. Encore une fois, ça fait une grosse différence. Vous doublez pratiquement le texte en accroissant ces lignes. Donc cela pour vous dire que l'objet en lui-même est complexe. Et que par conséquent, pour créer un objet complexe, pour créer un objet qui se distancie à tel point de la norme religieuse, vous entrez dans un contexte qui est un contexte de modernité. Et cela, encore une fois, sans l'apport, sans le soutien, sans l'imposition de quoi que ce soit venant d'Occident. Mais revenons quand même à ce qui est, après tout, le sujet de ce cours, l'occidentalisation, les rapports avec l'Occident. Et c'est vrai que, immédiatement après le retour, enfin pas immédiatement, mais quelques années après le retour de Mehmet Çelebi à Istanbul, une énorme innovation est celle de la première imprimerie à caractères arabes dans le monde islamique et dans l'Empire ottoman. 1727, encore une fois, un renégat hongrois, Ibrahim Müteferrika, qui se fera l'architecte de cette révolution technologique et intellectuelle. La première presse à caractères arabes. Et malgré toutes sortes d'oppositions, de milieux conservateurs, traditionnels, etc., la presse fonctionnera de 1727 jusqu'à 1742 à peu près. Donc 15 années de production de livres. Et vous voyez qu'il y a quand même un éventail assez large de production. À droite, vous avez une des premières grammaires turques, produite en Turquie. Et à gauche, vous avez ce qui est appelé le Füyuzat Mıknatısiye, c'est un traité sur les aimants, sur le magnétisme. Donc, de la science, une traduction, de la linguistique, le fait de vouloir faire connaître la langue turque à des étrangers par le moyen, le biais le plus courant à l'époque, qui est la langue française. Et bien sûr, la géographie, avec l'Atlas mineur de Mercator, qui avait été repris par Kiratip Çelebi au XVIIe siècle, le grand encyclopédiste, comme on l'appelle, et qui, en 1732, fait l'objet d'une publication de luxe, et vous y voyez là l'Indochine, les Philippines représentées sur ce premier atlas imprimé dans le monde islamique. Alors ça, c'est le côté positif de la chose. Côté négatif, c'est que chacun de ces livres, et on compte 17 titres en tout pour la première campagne d'impression, chacun de ces titres est imprimé à 500 exemplaires. Ça n'est pas beaucoup. À tel point qu'aujourd'hui, vous risquez de dépenser beaucoup plus d'argent à essayer d'acheter un incunable, si vous voulez, ottoman, c'est-à-dire un livre imprimé par cette première imprimerie du XVIIIe siècle que pour acheter un manuscrit. Donc, il y a, et ça nous le verrons tout au long du cours, il y a une tension entre ce que j'appellerais le cahier des charges de l'occidentalisation, le fait qu'on se découvre la nécessité de faire telle ou telle chose, et puis le fait que cette chose n'est pas faite à fond, et que par conséquent, elle n'a pas l'impact qu'elle pourrait avoir si elle avait été poussée jusqu'aux limites de son impact. Est-ce qu'on a des livres ? Oui. Est-ce qu'ils circulent vraiment ? Non. Est-ce que le manuscrit domine encore le marché ? Absolument. Est-ce que l'imprimerie est une condition sine qua non de la modernité ? Pas forcément non plus. Mais si nous parlons d'occidentalisation, et si nous parlons, nous essayons de mesurer la capacité de ces Ottomans à se transformer selon ce nouveau modèle qu'ils observent, qu'ils imitent, qu'ils émulent, il faut reconnaître que la forme y est, le contenu, pas forcément. Il est en surface, mais il n'arrive pas vraiment à pénétrer le système. En 1741, deuxième ambassade. Alors là aussi, on sent le changement. C'est-à-dire que ces ambassades ne sont plus les missions ponctuelles du XVIIe, du XVIe siècle. Ce sont des ambassades et ça n'est pas un hasard que l'ambassadeur, cette fois-ci, c'est le fils de Mehmet Çelebi, Yilmazekizadeh Said Efendi. Et c'est quelqu'un qui lui-même est de mèche avec Ibrahim Müteferrika, l'inventeur de l'imprimerie. Donc, vous voyez qu'il y a une clique, en quelque sorte, qui se forme autour de l'idée des contacts avec l'Occident. C'est ce que j'appelle l'aspect superficiel, si vous voulez, de cette occidentalisation. Vous commencez à voir des professionnels du contact avec l'Occident. Et vous avez, bien sûr, des figures qui sont assez intéressantes, qui sont un peu l'inverse. Ce sont des Européens qui viennent chercher fortune en Orient, dans l'Empire ottoman. Le comte de Bonneval en est un bon exemple. À droite, c'est un vrai portrait par Lyotard. À gauche, c'est un portrait fantaisiste, et en plus avec un nom fantaisiste. Il ne s'appelait pas Osman, il s'appelait Ahmed. Humbaladje Ahmed Pacha. Humbaladje voulant dire bombardier. Et c'est un cas classique, mais que l'on connaît déjà pour les siècles précédents, du renégat qui vient mettre au service de la Sublime Porte son know-how technique, notamment militaire. Dans le cas de Bonneval, c'est surtout l'organisation militaire et c'est le corps des bombardiers. Donc, il y a des échanges. Les Ottomans vont chercher, des Européens viennent proposer. Il sera suivi par le baron de Tott, qui, lui, participera à la restauration des fortifications dans l'Empire ottoman. Donc l'Empire ottoman, notamment en matière de technologie militaire, se met à la page grâce à ces échanges, dans un sens comme dans l'autre. Et puis, je l'évoquais la dernière fois, vous avez ces éléments décoratifs, architecturaux, que vous pouvez rattacher à des éléments occidentaux, mais dont le contexte nous échappe encore. Encore une fois, pour quiconque connaît Istanbul, voici la mosquée de Nur Osmaniye, la mosquée d'Osman. En fait, elle avait commencé par être Mahmoudiye. Mahmoud étant mort et remplacé par Osman, elle a pris le nom du survivant. Mais c'est une mosquée qui se trouve juste à l'entrée du Grand Bazar. Et ce qu'elle a de particulier, cette mosquée, qui fut achevée en 1755, c'est que l'on sait, sans pouvoir l'identifier vraiment, qu'elle a été bâtie par un architecte grec, Simeon Kalfa. On voit bien qu'elle a un style assez particulier, notamment avec cette cour en fer à cheval, et qu'elle a énormément d'éléments baroques qui sont d'inspiration évidemment occidentale, et que nous avons là un peu en retrait, la bibliothèque de cette mosquée, qui, cela a été prouvé par des historiens de l'architecture, Turgut Sanel, Yavuz Sezel, qui emprunte son plan à une église romaine, une église à Rome, l'église de San Carlo delle Quattro Fontane, une église romaine dont elle épouse exactement le plan. Bon, on voit bien qu'il y a des échanges, encore une fois, on voit bien que ce grec Siméon, que l'on n'arrive pas à identifier, dont on ne sait pratiquement rien, a eu des contacts avec l'Italie, vraisemblablement. Ce qui ne surprend pas, puisqu'il y a une présence grecque en Italie, en Autriche, qui est extrêmement importante, même en Hollande, une diaspora, si vous voulez, une diaspora grecque avant l'âge. Donc il est clair que de la même manière que des traités de médecine circulent entre cette Italie et l'Empire ottoman, des modèles architecturaux, eux aussi, circulent. Seulement, le problème, c'est qu'on n'arrive pas à donner à ces transformations un contexte historique précis. Pas un seul texte ottoman ne vous dit quoi que ce soit au sujet de cette mosquée. On tuerait pour trouver un témoin qui dirait « Mon Dieu, cette mosquée est d'un style vraiment différent. » Rien. Tout au plus, dit-on, qu'elle est très nouvelle, d'un style nouveau, mais ça, on le dit pour tous les bâtiments qui sont bâtis. C'est la manière dont on glorifie la contribution de chaque sultan à la ville. Donc, il y a un silence, un manque de voix locale qui nous empêche de comprendre exactement comment ces nouveautés vraiment circulaient, et comment ces nouveautés étaient reçues, perçues par le public en général. Est-ce que ces gens se disaient « Mais mon Dieu, cette mosquée, elle est bien d'un style italien ?» Ou est-ce qu'au contraire, ils étaient complètement imperméables à toute forme de remarque, de toute forme d'observation portant sur la nature du style de ces objets ? Et je crois que la cerise sur le gâteau, si vous voulez, à la toute fin du siècle, c'est ce tableau des nouveaux règlements de l'Empire ottoman. La première publication que nous connaissions, si l'on excepte la grammaire turque de 1730, la première publication que l'on connaisse en français par un ottoman qui parle de l'Empire ottoman. C'est une impression locale, c'est un tableau des nouveaux règlements. Et « nouveau » est un terme qui, en lui-même, est déjà très intéressant. C'est-à-dire que ce bon Mahmoud Raif Efendi est en train de présenter la manière dont il envisage la transformation de l'Empire ottoman, la transformation du système de l'Empire ottoman, afin de faire face aux vicissitudes de la période. Il est publié en 1798, je reviendrai là-dessus. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir ce qu'il dit. Constamment assidu à mes devoirs, je n'ai rien omis pour mériter l'approbation de mes supérieurs, mais de toutes les parties de mes études, celle qui a le plus fixé mon attention, c'est la politique. La politique. Et ça, c'est un terme tout à fait nouveau. Et derrière ce terme se cache le désir de modernité. Là, ça n'est plus vraiment la tradition dans la tradition. C'est un terme qui ne peut cacher la vérité de ce que les Ottomans sont en train de considérer la transformation du système afin de faire face aux transformations, aux changements de l'époque. Quelque constant que fût mon application, je sentais que pour trouver des sources où il me fût facile de puiser les connaissances qui m'étaient nécessaires, j'avais besoin de faire un voyage en Europe et d'apprendre une langue étrangère. Là, c'est dit. Je dois aller en Europe pour m'instruire. Je dois apprendre une langue étrangère qui sera le moyen par lequel j'obtiendrai la science, les connaissances qui me font défaut et qui me permettront de changer, de participer au relèvement de l'Empire. L'avant-propos est très clair là-dessus. Encore une fois, toutes les fois que la monarchie ottomane a éprouvé quelque atteinte dans sa constitution politique, l'être suprême qui daigne veiller à sa conservation a aussitôt fait naître un grand personnage qui, par sa sagesse et son habileté, a eu le bonheur de lui rendre sa première force. Il est même à remarquer que la constitution de l'État n'a jamais été aussi brillante qu'à la suite de quelque altération. C'est très intéressant. D'abord, parce que c'est un texte qui n'existe pas en turc. Il est intraduisible. Traduisez l'être suprême en turc et vous faites en palais. Enfin bon, non, mais lumière, raison, vous y voyez tout le vocabulaire consacré du XVIIIe siècle. C'est un ouvrage qui est écrit, qui est pensé en français et qui est écrit pour un public du même gabarit, du même style. Et par conséquent, c'est un texte qui se dissocie en quelque sorte de la rhétorique beaucoup plus purement ottomane que l'on connaît au XVIIIe siècle. Ne serait-ce que cette mention de constitution politique, intraduisible dans un contexte ottoman du XVIIIe siècle. On est déjà dans le 19e. Si l'on essaye de traduire ce texte en turc, il faut faire usage d'un vocabulaire qui n'apparaîtra qu'un siècle plus tard, ou qu'un demi-siècle plus tard. Donc ça, c'est très intéressant. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est de voir la manière dont il est tiraillé entre le désir de souligner la pérennité de l'Empire et d'introduire la notion de changement, la nécessité de changement. Et par conséquent, cette dernière remarque, il est même à remarquer que la constitution de l'État n'a jamais été aussi brillante qu'à la suite de quelques altérations. Donc, si on change, cette puissance, cette pérennité va être rétablie. Et bien sûr, le grand homme dont il parle, c'est Selim III, troisième du nom, c'est le sultan Selim, qui, lui aussi, à sa manière, est déjà engagé, fortement engagé, dans la voie d'une certaine occidentalisation. Alors, dernier petit détail, vous voyez la date à laquelle cet ouvrage est publié ou écrit, le 15 juin 1798, une certaine ironie puisque c'est quelques semaines à peine avant un événement majeur, celui de l'expédition d'Égypte. C'était les cours du Collège de France. Vous venez d'écouter le 19 janvier 2018 Edem Eldem dans le cadre de sa série L'Empire ottoman et la Turquie face à l'Occident. Aujourd'hui, curiosité et hésitation. Sur les sites de France Culture et du Collège de France, vous retrouverez tous les liens, les vidéos, les informations autour de cette diffusion ainsi que l'ensemble des cours d'Edem Eldem. Sa leçon inaugurale L'Empire ottoman et la Turquie face à l'Occident vient d'être publiée chez Fayard. Un grand merci à Marguerite Maubert et aux équipes de la documentation d'actualité de Radio France. Réalisation Anne Sécheret, présentation Meryl Meneghetti. Demain, Edem Eldem s'interrogera sur le choc de l'expédition d'Égypte pour l'Empire ottoman. Et dans quelques instants, nous retrouvons les petits matins. Belle journée à l'écoute de France Culture.